Bonjour à toutes et à tous, Cécilia. Et je suis ravie, comme tous les mardis à 8h et 13h30, de vous retrouver au sein de cette chronique Minute Bonheur. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui me tient très très à cœur, qui me tient au fond des tripes, la musique. Et c'est bien fait, bien entendu. La musique n'est pas seulement agréable à écouter, elle procure de nombreux bienfaits sur l'humeur, mais aussi sur la santé. Remède antidouleur ou moyen participant au développement des capacités cognitives, aujourd'hui, on en parle. Développement cérébral, motivation, mémoire, créativité, la musique regorge de pouvoir. Depuis 20 ans, les chercheurs ne cessent de prouver ses vertus à chaque âge de la vie. Aujourd'hui, ce sont 86% des Français qui en écoutent quotidiennement et 15% qui savent jouer d'un instrument. La musique est aussi universelle que la parole. En 1993, une étude avait fait grand bruit et contribué à créer une rumeur urbaine toujours coriace, l'effet Mozart. Écouter ses œuvres permettrait d'amplifier les performances intellectuelles, pensait-on. En fait, les bénéfices de la musique, indéniables pour les enfants comme pour chacun de nous, ne dépendent pas d'un style ou d'un compositeur. Au travail, en voiture, pendant un jogging, elle occupe une place primordiale dans nos vies. Nous en écoutons en moyenne 1h30 par jour, selon le sondage BVA. Une omniprésence qui ne date pas d'hier, comme l'a prouvé la découverte en 2008 dans une grotte allemande d'une flûte en os de vautour, vieille de 35 000 ans. Et selon le site Alzik Radio, au quotidien et tout particulièrement en ville, la circulation, le bruit, la lumière, l'énergie humaine, les hyperstimulations sensorielles sont omniprésentes et constantes. Elles génèrent un stress qui s'accumule et que nous avons du mal à évacuer. De nombreuses méthodes de relaxation permettent d'évacuer ces tensions en procurant détente et sérénité. Yoga, Reiki, sophrologie peuvent parfois être onéreuses et contraignantes pour le citadin, mais il est important de trouver des instants pour lesquels il est possible de s'évader. La musique relaxante peut vous y aider. Vous pouvez y associer également des exercices de relaxation basés sur la respiration. Écoutez la musique zen environ une demi-heure par jour pendant 3 semaines diminuerait votre stress et votre anxiété et a un impact sur votre état de fatigue général. Cette régularité devrait vous aider à vous détendre profondément et à atteindre la zen attitude pendant une période plus ou moins prolongée. De nos jours, de nombreuses preuves de l'efficacité de ces fréquences sont acquises. Les musicothérapeutes sont reconnus et interviennent même dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques. De nombreux musiciens se spécialisent dans ce domaine en cherchant les combinaisons de fréquences et les sonorités les plus propices à la relaxation ou la méditation. Les vibrations de la musique zen possèdent la particularité de véhiculer de réels effets thérapeutiques pour le corps et pour l'esprit. La musique adoucit les mœurs, mais pas que, source de plaisir et de motivation, véritable allié lorsqu'on a le moral dans les chaussettes. La musique a une incidence directe sur notre moral, mais aussi sur notre santé. En voici quelques exemples. Et oui, la musique adoucit vraiment les mœurs. Bénéfique pour les petits, la musique l'est aussi pour les ados. Selon une étude parue dans le journal Off Family Communication, celle-ci pourrait améliorer la relation entre parents et adolescents. Les chercheurs ont demandé à de jeunes adultes de se remémorer leurs souvenirs entre 8 et 13 ans, puis après 14 ans. Ainsi, dans les familles où la musique possédait une place de choix, les adolescents entretenaient de meilleures relations avec leurs parents. Jack Harewood et Sarah Wallace, auteurs de l'étude, soulignent l'importance d'entretenir un échange musical dès l'adolescence. Cela pouvant aller de l'écoute d'une chanson à un débat autour de son artiste ou groupe musical préféré. L'essentiel étant de se servir de cet engagement musical pour renforcer le lien. En plus d'apaiser les relations parents-ado, la musique peut aussi calmer une personne en colère, du moins quand elle est douce. Ce type de mélodie peut nous plonger dans un sommeil profond, améliorant également sa qualité. Une expérimentation pratiquée en Angleterre dans le métro de Newcastle a démontré l'impact de la musique sur des comportements sociaux. En effet, la musique rock anciennement diffusée dans les stations de métro a été remplacée par de la musique baroque. Les responsables de la sécurité à l'origine de cette initiative ont constaté que le vandalisme et agression ont diminué de moitié. Un constat impressionnant qui a poussé les autres services à diffuser des musiques douces et classiques pour remplacer les sons de guitare électrique qui retentissaient sur les quais. Adieu le stress et bonjour la motivation. Fatigue constante, estomac noué, irritabilité, vous savez les symptômes d'une personne stressée. Et si un morceau de musique pouvait vous faire disparaître vos soucis ? Après de nombreuses recherches, des scientifiques britanniques ont sélectionné une playlist de 10 chansons qui pourraient venir à bout du stress. L'une d'elles le réduit même de 65%. Des vibrations pour apaiser la douleur. La musique aurait aussi des vertus antidouleurs. Les patients souffrant de douleurs chroniques pourraient voir leurs maux s'atténuer de 21% en écoutant une heure de musique par jour. Alors que les personnes atteintes d'arthrose ou de problèmes de la colonne vertébrale clament les bienfaits de la musique sur leur santé, de nombreuses études ont démontré les bienfaits de celle-ci sur les douleurs chroniques ou post-chirurgicales. À Hong Kong, un gastro-entérologue diffuse de la musique durant ses interventions. Résultat, ses patients ressentent moins de douleurs que ceux qui vivent l'expérience dans le silence. Le chercheur français Fabien Mamon, véritable pionnier de la thérapie de son, a également mis en place une méthode surprenante pour soigner ses patients. Il dispose des diapasons sur les zones de douleur qui émettent des vibrations le long des os et des muscles et accorde le corps à cette énergie positive. Certaines fréquences musicales s'harmonisent avec celles de notre système nerveux. Lors de l'écoute d'une musique relaxante, les rythmes du cerveau ralentissent, se fondent à ceux de la mélodie et offrent une sensation de bien-être et de quiétude. La musique booste la créativité. Vous manquez d'inspiration ? La musique est votre muse. Une étude menée par l'Université de Miami a dépeint l'aspect créatif qui découle d'une séance d'écoute musicale. L'enquête a constaté que les personnes qui écoutent de la musique au travail finissent leurs tâches en un tour de main et de manière plus créative. Les scientifiques conseillent d'éviter un style musical particulier, la pop ou les chansons avec des paroles qui seraient plutôt des freins à la concentration. Optez donc pour une valeur sûre, la musique classique ou une musique d'ambiance. Vous pourrez donc vous laisser guider par vos émotions et lâcher prise. En danse, en peinture ou en théâtre, la musique peut avoir des effets positifs sur votre créativité et ainsi sublimer votre talent. Saviez-vous que vos goûts musicaux en dévoilent sur votre personnalité ? Les amateurs de country seraient humbles, tandis que les amoureux de musique pop seraient, eux, très sociables. Quant aux amateurs de heavy metal, à contraire de ce que l'on pense, seraient doux et créatifs. Les amateurs de classique, eux, seraient en moyenne plus intelligents, réfléchis et complexes, deux qualificatifs qui définissent aussi bien la musique classique que la personne qui en raffole. Les amateurs de hip-hop, eux, seraient plus extravertis, à la fois énergiques et rythmiques. Les amateurs de hip-hop apprécient le côté social de la musique. Ils préfèrent danser, chanter et vivre une expérience sociale plutôt que de rester enfermés à écouter leur musique préférée. Et voilà pour cette chronique d'aujourd'hui consacrée à la musique. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à mardi prochain.